Bailesin. Que tu occupes habituellement. Je t'ai cherché ce matin. Tu n'étais pas. Mais cette odeur me chatouillait les narines. C'était l'odeur de tes chaussettes. Devant ta maison. Oh non, t'es pas égoïste. Hein. Sur le fil à linge, tu as suspendu gaiement tes chaussettes qui puent. Te vexe pas. J'aime bien, moi, quand ça pue. Je suis rentrée chez moi ce matin. Toujours cette odeur, ton odeur animale qui me suivait, qui m'imprégnait. J'ai découvert dans mon frigidaire. Ah non? Non, c'est pas ça. Non plus. Ah non, mais tu devineras pas. Ah non, tu devineras pas. Il y avait énormément de frigidaire. Ah non, c'est pas ça. Ah non, je t'ai dit. Crocodile, tout vert, un crocodile, oui. Tu vois, je t'ai rêvé, tu ne croiras pas. Thank you. Il me regarde et il pue encore plus que toi.